européen. Thank you. 21. Bientôt 4h du matin sur 21, nous vous avons proposé ce soir la rediffusion des sets de DJ L et de DJ Valium, enregistrés samedi dernier au Fuse. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine dès 1h, juste après Cybercafé. Bonne fin de nuit et bon week-end sur 21.